prenons le bonheur comme il vient, comme on cueille des fleurs en chemin, et sans rien attendre en retour, laissons-le nous surprendre au détour d'un accroche-cœur opportun, d'un sourire qui vous veut du bien, d'un regard qui vous fait de l'œil, d'une marguerite qui s'effeuille. Prenons le bonheur à pleine main, lorsque celui-ci nous fait du gringue, sans gêner, allons-y gaiement, croquons ainsi de toutes nos dents, un grain de beauté sur le nez, quelques fossettes bien cachées, des fruits aux mille vertus, qui pourtant nous étaient défendus. Prenons le bonheur à bras le corps, avant qu'il nous laisse des remords, en prenant soin des petits instants qu'il s'efforce à offrir patiemment, en trinquant un verre entre amis, à la bonne santé de la vie, à chanter des soirées entières et à voir le monde à refaire. Prenons le bonheur par les cornes, que l'on soit non-voyant ou borgne, nécessitant pas de bons yeux. Le bonheur c'est tout et si peu, une accolade avec son père, un baiser dans le cou à sa mère, un bon fou rire entre frangins, une sœur qui vous tend la main. Prenons le bonheur comme il vient, comme on cueille des fleurs en chemin.